Michael à la radio. Tous les matins. Tous les matins, Michael est en direct sur Fun Radio. Radio. Et sur Fun Radio, chaque matin, Michael à la radio. Mais oui, on est là pour vous réveiller avec plaisir tous les matins entre 6h et 9h30 avec le warm-up de 6h à 6h30. Les meilleurs moments de la veille. Et souvenez-vous, c'était hier quand Toff avait décidé d'appeler des maisons de retraite, en fait, hein, des maisons de retraités, pour avoir une grand-mère à prêter parce qu'il y avait une histoire, il avait trompé sa femme, soi-disant, et que du coup, sa maîtresse voulait rencontrer sa mère, mais sa mère, sa vraie mère, savait qu'il n'était pas avec cette femme-là. Donc, il voulait avoir une maison. Il voulait téléphoner dans une maison de retraite pour avoir une grand-mère à prêter. Et donc du coup, voilà, vous imaginez comment ça va terminer. Bon, on va chez quoi? On va chez ce matin, Toff? J'ai décidé d'aller dans une maison de retraite. Oh non, tu vas pas faire chier les petits vieux à ce temps-là quand même. Non. Je vais essayer de me faire prêter une petite vieille. Oui, bon, parce qu'en fait, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire avec mamie? Bah en fait non, voilà, je voulais faire croire à ma maîtresse que en fait c'est ma mère. Ouais, parce qu'en fait je trompe ma femme depuis 2 ans et donc voilà, ma maîtresse va absolument faire la connaissance de mes parents, donc faut bien que je présente quelqu'un. Ça se fait pas. Bah attends, je suis sûr que ça lui ferait plaisir. Attends, cette petite vieille, je vais la sortir un peu, je vais la promener. Ouais. Bon, je cautionne pas. Bon, Julie cautionne, mais pas moi. Ah. Bon, allez. Moi aussi, c'est un monstre. Allez, c'est bon, on appelle. En plus, à côté de la radio, comme ça, je pourrais aller la chercher tout de suite. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, allez, c'est parti, on y va. On appelle à Bruxelles maintenant. Allez, hop, là, ça marche pas. Ça fonctionne. Voilà, très bien. Le truc en vrai, c'est pas des. Allô, oui. Oui, allô, bonjour. Je suis bien à la maison de retraite? Oui, c'est la maison de retraite de Seigneur Flatter, c'est l'infirmière de nuit qui répond. Oui, voilà. En fait, voilà, monsieur, j'avais une petite question. En fait, ça va bientôt faire 2 ans que je trompe ma femme. Et donc, ma nouvelle copine, ça fait 2 ans, hein, elle aimerait bien rencontrer ma mère. Mais vous comprenez, je ne peux pas lui présenter ma vraie mère, puisque ma vraie mère pense que je suis avec ma vraie femme. Et donc, en fait, j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me prêter quelqu'un de votre résidence pour une après-midi. Ça fait 2-2, Bruno. Hein. Ça fait... Oui. Vous rigolez? Ben non, je me mets donc pas dans les questions de comme ça. C'est pas éthique, c'est pas moral. Non mais bon, vous avez bien. En fait, il me faudrait une petite vieille qui aurait Alzheimer. Ce serait parfait. Si vous aviez ça, parce que. Monsieur. Oui. Mon boulot, c'est d'une infirmière. Oui. C'est contre ma éthique de perturber les personnes. Si vous voulez quelque chose. Non mais attendez, je serais très gentil. Moi, si vous voulez, je viens la chercher. Non, monsieur. Je l'emmène faire un tour. Pas mélanger les choses. Des questions comme ça, c'est pas question morale et de téléphoner comme ça. Ici, moi, je sais pas avec qui parle, c'est pas normal. Chez nous, les téléphones sont enregistrés, je peux pas parler des questions comme ça. Ah, mais donc si je viens, on peut s'arranger. Non, pas de discussion. Vous me dites que c'est parce que c'est enregistré, alors moi, je veux bien venir jusque chez vous. Oui. C'est une question qui est en contradiction avec notre déontologie professionnelle. Bon, mais enfin, c'est-à-dire que. Désolé. Moi, je... Et ici, j'arrête la conversation. Ah, il est parti, effectivement. Ouais. Ah, mais écoute, voilà quelqu'un qui est droit. C'est bien. Et juste. Eh, franchement, c'est bien parce que t'as pas parlé d'argent, je ne m'abuse, non, si Vaguement. Des sous-entendus, ouais. Oui. Ouais, bon. Des petits sous-entendus, quoi. Voilà, c'est ça. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas te sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Bonne matinée sur Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est tous les matins que ça se passe avec le warm-up entre 6h et 6h30. Et je vous rappelle également que vous avez jusqu'à tout à l'heure hein, pour jouer. Vers 17h, je crois, on arrêtera le jeu. Pour tenter de jouer avec nous à l'Euromillion. 96 millions d'euros à gagner ce soir pour le jackpot de l'Euromillion. Si vous voulez vous inscrire, vous faites le 63-22 maintenant. C'est 1 euro par message. Débutez le message par 1 000 avec vos coordonnées complètes. Et puis si vous êtes tiré au sort tout à l'heure, on vous appellera personnellement pour vous donner les numéros qu'on va jouer. Et si on gagne, hop là, on partage tous ensemble. Donc c'est plutôt un bon esprit quand même. 96 millions d'euros, ça fait quand même plaisir. Voilà, 63-22, il faudra débuter le message par million. Bonne chance tout le monde. Et puis la déclaration express qu'on va faire maintenant. Et oui, alors pas de chance, on a perdu le gars qui veut faire la déclaration express. Ah oui, on t'entend mal. Malheureusement. Ouais. Je disais oui, Nicolas, malheureusement. Bon, c'est décédé. Pas grave. Bon, Nicolas qui nous appelait pour. Il ne décroche pas, il dort encore. Peut-être qu'il dort, oui. On devait appeler qui, sa copine ou non. Sa future copine En fait, c'est une fille qu'il a rencontrée en soirée. C'est une fille qui tourne assez bien avec des autres mecs et il aimerait quand même bien tester quelque chose avec elle. D'accord, qui tourne assez bien. Ah là là, qui mais tourne, non, quoi. Mais non, mais qui fait des soirées. Oui, voilà, voilà. Qui voilà, fait des soirées avec beaucoup de personnes. Et pourquoi t'es choqué, Julie? Elle fait des soirées, ça te fait des soirées avec des mecs quand même, ça arrive. Non, mais j'ai vu les yeux qui pétillaient de toi. Ah ouais, mais tourner, moi j'avais compris autre chose. Et comment elle s'appelle la petite? Déborah. Allez. Bon, ça va être le répondeur aussi, comme ça on va se sentir bien seul. C'est pas grave. Hein. Enfin, je lui laisserai quand même un petit message pour l'expliquer un peu d'oublier cette chanson, parce que sinon elle va décrocher. Elle va, ouais, ça, elle va entendre son répondeur, elle va dire c'est qui ce mongolien qui chante là. Et bah voilà, tiens, on se sent donc bien seul. Laissez un message après le signal sonore. Pour terminer l'appel, raccrochez ou appuyez sur l'étoile pour enregistrer votre message. Allez. Salut Déborah, c'est Mickaël, t'étais en direct à la radio sur Fun Radio, dans Mickaël à la radio, et on t'appelait de la part de Nicolas, qu'on a malheureusement pas réussi à joindre non plus, c'est dommage, et qui, voilà, il voulait te faire une petite déclaration d'amour, et cette déclaration d'amour, nous la faisons chaque matin sur Fun Radio, et écoute, là, celle-ci est pour toi. Depuis toutes ces années que nous deux on se connaît, jamais je n'ai osé te dire que je te voulais. Quand je te croisais en rue ou encore en soirée, tu n'imagines pas ce que je t'aurais fait. Tu collectionnes les mecs et ça me bourre le fion, à croire que tu kiffes quand je passe pour un gros con. En plus à ce qui paraît quand tu te mets à gueuler, c'est tous les murs que tu fais trembler. Oh, oh, oh, oh, oh. Quand tu te fais bouiller, mais non, tu n'aimes pas les poneys, bébé, bébé. Mais si tu me laissais tester, je peux t'avouer qu'enfin ça te ferait kiffer, bébé, bébé, quand je viendrai te la montrer. Voilà, petite déclaration pour toi, Déborah. J'espère que tu auras bien aimé, que ça t'aura touché. Comme c'est mignon. Mais oui, ah, c'est mignon aujourd'hui. Bah oui, ce non, soir, pas du tout. Aujourd'hui, c'était cosy. Bon, et ben voilà, Déborah, je te souhaite une bonne journée, gros bisous. Et puis, bah, Nicolas, si tu entends, si tu n'as pas eu. Tu n'as pas eu le cran d'être avec nous au téléphone et c'est bien dommage. N'hésite pas à nous tenir au courant. Ou Déborah, pareil aussi, tu me fais un petit mail, mickaël@funradio.be. Je compte sur toi. Gros bisous, Déborah. Bonne journée également. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio, c'est Mickaël à la radio. Comme chaque matin, le warm-up, c'est entre 6h et 6h30. On sera de retour évidemment en direct à partir de 6h30, encore avec vos factures qu'on vous payera. Comme chaque matin, 7h10, 8h10 et 9h10 sur Fun Radio. Mickaël paye vos factures avec grand plaisir, évidemment que je ferai ça tout à l'heure. Si vous voulez vous inscrire, 6322, il faut débuter le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture et on remettra peut-être le couvert tout à l'heure. Il faudra bien rester là évidemment. Et puis là maintenant, c'est le moment de recevoir le... Comment dire Quoi, le fou? Oui, l'espèce de débile, là. Ah, moi, il me fait peur. Hein. L'espèce de débile qui rentre, là, justement, tiens. Sixième LV, Ilex Scandal. Bon, Toff, c'est quoi ce bordel encore? Les magnifiques critiques cinéma du magnifique Benzo. Quoi? Mais tu rigoles ou quoi? C'est mercredi, on est lundi, c'est quoi ce merdier? Vous avez oublié qu'on dort dans le caravane de frères en dessous de Fun Radio, monsieur Mickaël. Vous nous avez réveillés avec votre dance music, je vais faire le scandale ici. Non, bon, Toff, appelle le service de sécu là et fais-moi dégager ces gugus vite fait, non mais sans déconner. Monsieur Mickaël, on va porter plainte contre vous, Fun Radio, monsieur Tom, en même temps, scandale. On vous a jamais demandé de venir vous installer avec la caravane familiale juste devant les locaux de Fun Radio, non mais sans déconner. Monsieur Mickaël, arrêtez tout de suite de critiquer. Ok, comprendre. Je ne parlais pas à toi, Robinetto. Oh, ok, comprendre. Bon, calmez-vous, monsieur Benzo. Hein, on va essayer de faire moins de bruit, ça va bien se passer. Oh, ok, monsieur Toff, excusez-moi. Allez, Robinetto, excusez à Mickaël et faites bisous d'Ukraine. Attendez, j'ai mal compris. C'est quoi cette histoire de bisous Ukraine? Je crois que t'es dans la merde. Allez, laissez-vous faire, monsieur Mickaël. Bon, allez, ça suffit, là. Rentrez chez vous, maintenant, là. On a autre chose à faire. Allez, Robinetto, viens, on retourne dormir. Mais bah voilà, c'est une bonne idée, ça. Et puis dites à monsieur Robinetto de pas oublier de se laver les dents, là, car il y a une petite infection dans le studio, là. C'est pas très agréable, le matin, hein. On en parlait tout à l'heure, justement, tiens. Bah, tu vois, pourquoi tu vois, que j'ai parlé de ces tétifrices, les petites pastilles dont on va lui en offrir, ça lui fera du bien. Bah, exactement. Attends, avec plaisir. On lui offrira tout à l'heure, effectivement. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Mais oui, 7h45, bon réveil tout le monde, c'est la ligne anti-relou maintenant. La ligne anti-relou, c'est chaque matin à 7h, 8h et 9h moins quart. Et le concept est facile, vous donnez le numéro qu'on met à votre disposition, c'est-à-dire le 0473 86 0013. En général, ce sont les filles qui le donnent, puisqu'en général, ce sont les mecs qui sont les plus relous. Hein. Et même, c'est voilà. c'est faux. Oh, si souvent. Ou alors, et même, regarde, même les mecs qui aiment les mecs, ça reste quand même un mec qui est relou, quoi, tu vois. Un mec qui va arriver, ouais, il va te faire chier. Ah ouais, donc vous donnez ce numéro-là, le mec va croire que c'est votre numéro, va donc vous rappeler, et nous, bien sûr, on récupère le message. Deux trucs bien, nous on se marre, et vous êtes tranquille. Au final, parfait, c'est quand même pas mal. Tout le monde est content. Exactement. Allez, ligne anti-relou, voici notre premier invité de ce matin. Bonjour, c'est Nicolas. Et pour ce soir, c'est OK. Si tu veux, on se retrouve chez Bruno. Et il a tous les accessoires, t'inquiète pas, il a tout ce qu'il faut. Mais oui, ne t'inquiète pas, tous les accessoires seront là, il n'y a pas de souci. J'essaie de me persuader qu'il parlait de cuisine, par exemple. Ouais, eh ben tu non. vois, j'ai des casseroles, non. Il j'ai de la poêle, son spéculum. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà. C'est ça. Donc voilà, moi je reste là-dessus. Ça, ouais, bah reste dessus alors. Allez, notre deuxième invité de ce matin. Salut Robert, ben écoute, je voulais juste que tu poses une petite voix sur la photo de profil que tu viens de voir. Et à de suite. Que tu poses une petite voix sur la photo. Et une petite voix, c'est le mec. Oui. Salut. Alors, c'est pas mignon. Ça va. Il vient de se réveiller. Qu'est-ce que tu préfères, Julie, une meuf, un mec qui t'appelle Salut Julie. Bonjour Julie. Je vais envie de te dire aucun des deux. Ah, écoute, c'est dommage. Hein. Voilà, donc. Pourtant, j'ai fait mes deux plus belles voix là. Ah oui, j'entends. C'est vraiment bien, dommage. Mais... C'est vraiment dommage. Je suis très déçu. Tu sais pas apprécier les bonnes choses. Mais c'est non. C'est ça son problème. Allez, troisième message maintenant. Salut, ça va? Ça va. Je veux savoir si c'est toi qui, avec qui j'avais rendez-vous en fait aujourd'hui. Ça, c'est le meilleur. Voilà. Rappelle-moi si tu peux. Ouais, on peut tout faire ça à ce moment-là, effectivement. Ouais. Voilà les messages de la ligne anti-relou de ce matin. Si vous voulez vous aussi faire passer les relous pour des idiots, n'hésitez pas à leur donner ce numéro dès que vous allez en boîte. Même, je suis sûr que là, maintenant, vous allez reprendre le boulot. Vous allez peut-être rencontrer des nouveaux collègues ou vous allez peut-être à l'école. Vous allez avoir des nouveaux potes, des nouveaux là, relous. C'est la rentrée, ouais. Et oui, les nouveaux relous, c'est le nouveau cru. Le cru 2011-2012. Ouais, mais en même temps, si c'est un collègue, tu le côtoies tous les jours, il va te le dire, je te laissais 15 messages, toujours pas de réponse. Ouais, c'est pas donc faux. Je suis ouais. pas sûr que ce soit une très bonne mais idée. Mais ça dépend, quand c'est une grande société, tu sais, où ils sont plusieurs centaines, bon, tu le croises pas forcément oui, tous les jours ça, à voir. C'est possible, ouais, si ouais. c'est une petite société de 10 personnes, évidemment, oui, là, c'est plus complexe. Éviter, ouais. Voilà, 0473-86-0013. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la mère de Kyle hier. T'as dit Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30, sur Fun Radio. Radio.